Muahaha. Ok, non con la perchigia e non con la perprima, you see me? So ti basta chi non se vuol. Big up tutte le pagna che sono accorte là. Big up prima di conosce Manuel, mon bazin, Bonas, Petit Paris, Café, Badibou, Bizdari, Rivière des Pères, Choisi, Bahi, faut venir aussi aux comparations. Sans oublier si t'es vrai d'or. Wada, wada, Kinazawa, Kinazawa, Santi, wada, wada, Kinazawa, Abastel, il y a la soufrière, le port, trois rivières et les rivières qui embellissent le paysage. Il y a aussi les champs de cannelle, plantation de bananes que tu trouves sous les routes de Boyard. Il y a aussi les chutes de Capesterre qui te rafraîchissent l'esprit quand tu crèves de chaud sous le soleil. À Bastel, il y a le corail de Malandure et à Grand Anse, il y a les vagues qui frappent dur. Kinazawa, Santi Guada, Guada, Kinazawa, 9720, Kinazawa, Santi Guada, Guada, Kinazawa. Ni potentiel, nous ka gade yon ciel. Le a yen pa ka yon kop. Almighty ve met nou el. Si a yen pa ka yon pa kopwen ke yi ke lese watem. Men no man bastem, se wan bolon ke nou ka bwe. Nou ka admire, vote ya la soufriye. Men no man bastem, se douvan ke nou ka fe. Nou pa ka fe de ye. Kinazawa, Santi Guada, Guada, Kinazawa, Guada, Kinazawa, 9700 Bastet. Nous aimons verdure, c'est là la bonne la peur. Nous love tout ça qui belle, tout ça qui naturel. C'est pour ça nous toujours à Zion, pour ni meditation, on good vibration, et puis inspiration. Nous toujours à Zion, pour ni meditation, on good vibration, et puis inspiration. Mais à Bastet, nous qu'à vivre. Faut pas nous perdre, Biba c'est ça, belélélél. Mais y'a pas c'est nous qu'à vivre, ouélélél. Faut pas nous perdre, que y'a pas c'est oh, ça belélélél. Mais y'a pas c'est nous qu'à vivre, ouélélél. Faut pas nous perdre, Biba c'est ça, belélélél. Mais y'a pas c'est